Section 28 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 28. La chanson des pommiers. Par Georges. La fenêtre. Les gros pommiers sont bons vivants. En val, en plaine, à tous les vents. Sans pieux ni treille. Ils poussent dru, les compagnons, coiffés comme des champignons sur les oreilles. Un peu tordus, souvent nabots, n'aimant pas à faire les beaux en plate-bande. C'est bien chez toi qu'ils sont heureux. Terre fraîche, au grand clos herbeux, terre normande. Là s'arrondissant, se carrant, les pieds en plein foin odorant, hochant la tête, ces paysans de père en fils, avec les hôtes du logis, vivent en fête. Les premiers, ils saluent avril, pressés d'ouvrir sous le grésil leurs fleurs allègres. Les derniers, ils croient aux hivers, mûrissant tard et de travers leurs pommes aigres. 8 mois durant, bêtes et gens, sous leurs parasols indulgents, trouvent la fraîche. Les dindons criards, les juments, les pouliches, les bœufs dormants, l'âne en revêche. Le marmot se pend à leurs bras, la fermière y sèche ses draps, le chat y rôde. Tout ce monde a des fins de loup, et donne aux branches plus d'un coup de dents fraudes. Mais les bons fruitiers du bon Dieu ne se blessent pas pour si peu, et sans révolte, ils logent prudemment plus haut, en d'épais abris, ce qu'il faut pour la récolte. Et dans les fûts cerclés de fer, bientôt fera le cidre clair, ronfler sa gamme. Le cidre qu'on goûte en plein froid, quand les pommiers jettent leur bois dans l'âtre en flamme. Car généreux jusqu'au bout, le feu, le boire, ils donnent tout aux fils des hommes. C'est alors qu'ils sont triomphants, les gros pommiers, les bons enfants, pères des pommes. Fin de la section 28.